6A 1 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est la période de l'année dont tout le monde rêve. Nous les attendons avec impatience de septembre à juillet. En août, elles provoquent un exode massif vers le soleil et les plages. Elles sont devenues pour la plupart d'entre nous un grand moment de retrouvailles en famille. 2 Bonsoir à tous. Ce soir, un thème dont tout le monde se préoccupe. En effet, nous y consacrons presque 3% de l'économie familiale. Et pour être sûr de la conserver, nous allons souvent, peut-être trop souvent, chez le médecin ou à la pharmacie. 3 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est un gaz dont la Terre a besoin pour se protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Mais les scientifiques ont découvert que cet élément diminue régulièrement dans l'atmosphère et ils supposent que c'est l'activité humaine qui provoque cette diminution. Quelles en seront les conséquences sur Terre? Le réchauffement de la planète? Les changements climatiques? 4 Elle s'améliore constamment, elle est de plus en plus performante et de plus en plus sûre. Mais c'est aussi une machine dont on se sert trop, qui fait beaucoup de bruit et pollue nos villes. Pour elle, on construit des routes qui détruisent les paysages et on transporte du pétrole sur tous les océans. Alors, devons-nous renoncer à l'utiliser? Quelles sont les alternatives? C'est le sujet de notre débat de ce soir.